Zine avec un Z, enfoiré. Z. Sur les petits, temple ouvert. Z, de l'or dans les mains. À jamais la sexe sera encore sur le terrain. Retiens le Z, de l'or dans les mains. À jamais ma sexe sera encore sur le terrain. Pour le Z, tu fais hypothèque. T'es un menteur, t'es un flic honnête. T'es un chanteur, truc et festif, truc et estival. Rome planteur dans le festival. J'ai 10 grammes de médical, check la senteur. 6ème étage, j'espère qu'il marche l'ascenseur. J'ai fait mes classes, pété les sas. Maintenant faut encaisser les liasses. Mettre des répans et se casser, tracer à travers les fans, s'il y en a assez. Trop de choses que j'ai pas, trop de choses nous séparent. J'suis encore fonce-car, j'allume un autre bar. J'ai connu le prétoire, j'connais mon histoire. J'connais pas l'espoir, j'peux mourir ce soir. Moi j'ai du cœur, j'ai pas vendu mon âme. J'connais la peur, le courage et mon arme. Je pense à lui, je sens couler mes larmes. Ils vont crendo, j'ai pas tiré la larme. Les disciples sortent du temple d'un Z gravé en bas de la cité. Nos têtes cramées ont terminé dans des dossiers classifiés. Je n'ai agité, j'ai jamais jeûné où j'étais. J'ai écrit mes plus belles rimes que j'ai fini par jeter. Tu reconnais enfin le logo qui fait des zigzags. Je merci même si toute ma vie j'ai dormi dans un clic-clac. Mais tic-tac, le temps s'écoule, faut que j'aille prendre mon dû. As-tu entendu et vu tous les moutons qu'ils ont tondus? L'usine au 26, on se mélange pas comme les chinois. Je pédave, j'arrête tous les 6 mois. C'est pas de ma faute, tout est si noir. Ça part en vrille, c'est plus une prédiction. J'aime pas les dictons, j'ai confiance en mon calibre. Fuck une pétition. L'humain fait pitié, bête ils sont crédules. Je vais viser la tête, je finirai en cellule. Je préfère croiser l'arête que gober leur gélule. L'usine avec un Z a provoqué le déluge. Le Z de l'or dans les mains. A jamais la sexe sera encore sur le terrain. Retiens le Z. J'ai les pièces comme la Banque de France ou Noroto. Peu importe qui est-ce, tu les trouves trop chauds, c'est que je faisais la sieste. Je vais faire de grandes dépenses, j'ai un 4 pièces sur l'île Komodo. La quatrième pour un tas de billets comme les empires coloniaux. Y'a écrit 7 sur le tank, les serpents parlent avec les lèvres sur le gland. Mais meurs sur le champ, des heures sur le banc. Avec le cœur et la sueur qui cœur à la New Yorkaise. C'est comme ça. Prépare-toi, j'ai du plomb et tu tombes de la falaise. C'est la loi du plus fort, pas le théorème de Thalès. J'ai besoin d'un stick et d'une paire de Jim qui brille. Moi et mes refs on fait 50-50 sur un biscuit. Maman, j'allume cette boîte, j'entre en cabine. Il fait noir dans la ville, la vie y'a qu'une balle. Y'a bien une faille mais j'ai qu'une tentative. Je leur tends la main, veulent se torcher le cul avec. Donc je les baisse, j'attends la fin avec mon joint. J'mets des potes à te baiser. La rue c'est dur, mieux vaut la laisser. Une pute mal baisée qui nous a dressé pour agresser. J'ai rangé les gants, j'ai assez fait pleurer la daronne. All 26, une entreprise avec un doigt en carbone. Sur les petits, je raconte ma mère devant des milliers de spectateurs. J'affronte la vie avec mes couilles, certains agissent avec la peur. Font n'importe quoi, mon décor est froid. Un îlotier isolé au milieu du test. En PLS, ça sent la mort ce soir. Tout pour le Z, tout pour la rue, ma gueule. Je traîne la nuit où le démon se recueille. N'oublie jamais d'où tu viens, ma gueule. C'est Romainville, c'est 9-3, c'est Montreuil. Le Z de l'or dans les mains. A jamais la sexe sera encore sur le terrain. Retiens le Z de l'or dans les mains. A jamais la sexe sera encore.